لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي زيارتكم في هذا البيت من بيوت الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح المسؤولين في هذا المسجد ويصلح إخواننا وذرياتهم Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité cette visite fraternelle et cette assise à la recherche de la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de commencer, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des responsables de la mosquée et de tous ceux qui s'entraident avec eux afin de faire en sorte que la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala s'élève. En outre, notre sujet, comme cela a été annoncé, est la biographie et une partie de la vie de la mère des croyants, la bien-aimée de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, Aisha. Min al-ma'loum, lada al-jami' anna sahabata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني Nous savons tous que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم sont les meilleurs des personnes après les prophètes et les messagers. Ils sont les meilleurs parmi l'ensemble des compagnons de l'ensemble des prophètes. A cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, selon la traduction des sens du Coran, « Vous êtes la meilleure communauté issue d'entre les gens. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui viendront après, puis ceux qui viendront après. » ومن خيرة الصحابة ومن أفضلهم أم المؤمنين et parmi les meilleurs de ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont cru en lui il y a les mères ce qu'on appelle celles que nous appelons les mères des croyants c'est-à-dire les épouses du prophète sallallahu عليه وسلم واليوم أحدثكم عن إحدى أمهات المؤمنين et aujourd'hui nous allons nous rappeler la vie de l'une d'entre elles وهي من المؤمنات الطاهرات الزاكيات الصالحات القانتات عائشة رضي الله عنها fait partie des meilleures épouses, elles sont toutes les meilleures des femmes, plus particulièrement Aisha, radiallahu anha. Ikhtaraha Allah subhanahu wa ta'ala zawjatan li sayyidil alamin. لإمام المتقين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى l'a choisi en tant qu'épouse pour la meilleure de ses créatures, pour le meilleur des prophètes et des messagers, l'imam et le guide des gens pieux. C'est la mère des croyants alors qu'elle n'a jamais enfanté. Radiallahu anha. Wa hajatun nas la siyam al-nisa ila ma'rifati siyar al-salihat massa. La siyama fi hada zaman, et le fait d'avoir connaissance de la biographie des femmes pieuses a auprès de nous la plus grande importance, auprès de nous de manière générale, les musulmans, mais plus particulièrement pour la femme musulmane. Ceci a la plus grande importance car il lui faut avoir un modèle, il lui faut avoir un exemple, et celle qui ne prend pas exemple sur les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les épouses des compagnons, sur les femmes vertueuses, sans aucun doute, elle aura pour exemple des femmes qui se sont éloignées de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal mar'a wal um wal mu'allima madrasatun lin nisa walil banat. Et sans aucun doute, la femme, la mère, l'enseignante est une école à elle seule, c'est une école pour nos filles, nos sœurs et nos mères. Hafidhahunna Allah. Et si nous avons connaissance de la biographie des femmes vertueuses, on peut espérer par la suite que les femmes de nos foyers prennent le même chemin ou tentent d'emprunter le même chemin. Fa'aishatu man aisha. Radiallahu anha. Qui est donc cette femme dont nous entendons souvent parler? Aisha radiallahu anha. Awalan nasabuha. Premièrement, sa lignée. Ya Ummu Abdillah. Sa kunya est Ummu Abdillah, la mère de Abdullah. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Elle a eu cette kunya donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est tirée de l'enfant de sa sœur, l'épouse de Az-Zubayr, qui ont eu un enfant qui se nomme Abdullah. C'est pour cela que sa kunya est Ummu Abdillah. Et la personne peut prendre une kunya sans avoir eu d'enfant, qu'il soit un homme ou une femme, même un enfant, comme le prophète alayhi salam a donné pour kunya au frère, a donné une kunya au frère de Anas ibn Malik, alors que c'était encore un enfant. Wasmuha Aisha. Elle se prénomme Aisha bint Abi Bakr As-Siddiq. C'est la fille du meilleur des compagnons, du meilleur des hommes après les prophètes et messagers, Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Son grand-père se prénomme Abu Quhafa. Quant à Abu Bakr, c'est le premier homme à avoir embrassé l'islam, à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par sa cause, les plus grands des compagnons sont entrés en islam. Son grand-père, c'est-à-dire le grand-père de Aïcha, Abu Quhafa, Abu Bakr, son prénom est Abdullah, et le prénom de son père Uthman, il s'est également converti. Son grand-père s'est converti et entré en islam lors de l'ouverture de la Mecque. Il avait atteint un âge avancé et avait pratiquement perdu la vue. Radiallahu anhum ajma'in. Ibn Amir, Ibn Amr. Elle fait partie de la tribu de Quraysh. Elle fait donc partie des femmes les plus nobles. Et sa tribu est la plus noble des tribus arabes. Quant à sa mère, Ummuha ya Ummu Roman. Quant à sa mère, c'est Ummu Roman bintu Umayr. Elle est née entre yani environ 4 ans ou 5 ans après la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqaddiruha wa yathni 'alayha wa yuhibbuha mahabbatan khassa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accordait la plus grande considération. Il vantait ses mérites. Il l'aimait d'un amour particulier. Et cet amour n'avait pas de secret au sein de ses foyers, ni même au sein de ses compagnons. C'est une de ses premières épouses. Elle fait partie d'une maison noble où tout le monde a embrassé l'islam. Et c'est un cas particulier chez les compagnons. Hiya sahabiya, wa abuha sahabi, wa jadduha sahabi, wa akhuha sahabi, wa ummuha sahabiya. فهذا البيت سخر أو سير لخدمة الإسلام. C'est une maison qui a été utilisée et qui a été mise au service de l'islam. Toute sa famille est entrée en islam et a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بها. Deuxièmement, le mariage et le déroulement, l'histoire de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme a cité Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, dans le Bidaya wa al-Nihaya. Après la mort de sa première épouse, Khadija bint Khuwaylid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hazina alayha huznan shadida. Après la mort de Khadija, radiallahu anha, sa première épouse, et il y a eu le décès également de son oncle, quelques mois après ou avant, le prophète alayhi salatu wassalam a été très affecté, très attristé, à un point tel que les compagnons ont souffert de la tristesse et de la douleur qui avait touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khawla bint Hakim, qui est l'épouse d'Ibn Mad'oum, de Uthman ibn Mad'oum, radiallahu anhu, est partie trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ala tatazawwaj, ne vas-tu pas te marier? Et avant cela, j'oubliais, il l'a vu en songe, il l'a vu en rêve, et dans son rêve, on lui indiquait son épouse, et il a vu que c'était Aïcha, radiallahu anha. Plus tard, Khawla bint Hakim, qui est donc l'épouse de Uthman ibn Mad'oun, un sahabi connu, radiallahu anhum, est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qalat laha ya Rasulallah, ala tatazawwaj. Elle lui a dit: Ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Qala wa man? Il lui a répondu: Et avec qui? Qalat lahu: In shi'ta bikran wa in shi'ta thayyiba. Elle lui a dit: Si tu veux, tu choisiras une femme qui ne s'est jamais mariée, et si tu veux, une femme qui a déjà été mariée. Qala laha: Wa man al bikr? Qalat Aisha. قال ومن الثيب قالت سودة آمنت به آمنت بك واتبعتك على دينك. Khawla lui a dit: quant à la femme qui a jamais été mariée, ibnatu ahabbi khalqillahi ilayk, la fille de celui que tu aimes le plus, la fille de Abu Bakr, Aisha radiallahu anha, radiallahu anhum. Quant à la femme qui a déjà été mariée auparavant, Madha Khawla, radiallahu anha, lui a proposé ou lui a vanté les mérites de Sauda bint Zam'a, radiallahu anha, qui était une femme vertueuse, une femme très pieuse, qui avait cru au message de l'islam et avait suivi la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, Khawla bint Hakim radiallahu anha est partie trouver Abu Bakr pour lui soumettre cette proposition. Elle ne l'a pas trouvée, mais elle a trouvé son épouse, la mère de Aisha, Umm Roman. Et elle lui a dit: Ya Umm Roman, ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة. Ô Umm Roman, qu'a donc fait entrer Allah chez vous comme bien et comme bénédiction? قالت وما ذاك؟ Elle lui a répondu, de quoi parles-tu? قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande ta fille. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu est rentré, Umm Roman, son épouse, lui a fait part de cette discussion. Elle lui a fait part de cette discussion. Mais Abu Bakr radiallahu anhu avait promis sa fille à Jubayr pour son fils. Naam, ou plutôt Naam. À Jubayr pour son fils Mut'im radiallahu anhu, qui plus tard a embrassé l'islam. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le fait que Aïcha devienne donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a épousée, puis certaines années se sont écoulées, puis elle est entrée dans son foyer par la suite, et tout cela durant le mois de Shawwal. C'est pour cela que Aïcha, radiallahu anha, avait un amour particulier pour le mois de Shawwal, et cela en l'an 2 de l'Hégire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yatazawwaj bikran ghayraha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épousé une femme qui n'avait jamais été mariée en dehors de Aïcha, radiallahu anha, wa kana taftakhiru baina sawahibatiha bihadhihi al-miza. Et elle se vantait auprès de ses coépouses de cette particularité. Elle dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ara'aita law nazalta wadiyan. Elle dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, imagine, ou bien ne vois-tu pas, si un jour tu descendais avec ta bête dans une vallée et qu'il s'y trouvait des arbres. Naam. Certains arbres, auprès de certains arbres, des animaux auraient déjà mangé. Et auprès d'autres, des animaux n'auront, yani d'autres arbres, personne ou bien aucun animal n'aura mangé de cet arbre. Vers lequel dirigerais-tu ta monture? Il a dit, l'arbre qui n'a pas été touché. قالت فأناهي. Aïcha radiallahu anha lui a dit, alors je suis à l'image de cet arbre. Elle voulait vanter son mérite auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'ensemble de ses coépouses. Thalithan, troisièmement, fadlu, le mérite, fadluha inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la grande place et le grand mérite qu'elle avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laha manzilatuha al-khassa, sans aucun doute, elle avait sa place, une place toute particulière qu'il lui accordait. Et c'est un amour qu'Allah Azza wa Jal a mis dans son cœur. Et il n'en restait pas moins des plus justes, sallallahu alayhi wa sallam, le plus juste, celui qui avait l'équité. Et Allah Azza wa Jal l'a préservé de toute injustice. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama sabak, yuhibbuha hubban kathira. Le prophète alayhi salatu wa sallam, comme nous l'avons déjà dit, l'aimait beaucoup. Abu Musa radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fadlu Aishata ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'irin ta'am. Le prophète alayhi salatu wa sallam vante dans ce hadith les mérites de Aisha en disant, la particularité de Aisha et son mérite au-dessus des autres femmes est semblable à un plat qu'on appelle Athari, au-dessus des autres plats. Et c'était un plat qu'il appréciait particulièrement. وَقَدْ سُئِلَ مَرَّةً مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قال عائشة ثم قيل له من الرجال قال أبوها. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné. Ô messager d'Allah, qui est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Il a dit Aïcha. Puis on lui a dit, parmi les hommes, il a répondu son père. Et remarquez qu'il n'a pas cité le prénom de Abu Bakr. C'est-à-dire que même pour citer Abu Bakr, il a établi un lien entre Abu Bakr et Aïcha. Comme s'il avait cité Aïcha, radiallahu anha, à plusieurs reprises. Et cet amour a atteint un point tel, et s'est propagé à un point tel, qu'il s'est fait savoir et connaître, même au sein des foyers chez les musulmans. Les compagnons, par exemple, lorsqu'ils voulaient offrir un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attendaient le jour où c'était la nuit de Aïcha, radiallahu anha. Ils attendaient le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être chez Aïcha pour unir entre ces deux joies. C'était un jour particulier pour lui et c'était son épouse préférée. Alors il se concentrait sur ce jour et sur la recherche de ce jour pour lui offrir ses cadeaux. Et sans aucun doute, la femme est dotée d'une jalousie qui a été mise dans son cœur. Alors ses coépouses ont ressenti quelque chose devant le comportement des compagnons, c'est-à-dire attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit chez Aïcha pour lui faire des cadeaux. En d'autres termes, lorsqu'ils vont lui offrir des cadeaux, ils ne seront pas chez elle. Donc, seul Aïcha tirera profit de ce que recevra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors un jour, comme le rapporte l'imam muslim rahimahullahu ta'ala, alors un jour, يعني ماذا qu'elles étaient réunies chez Umm Salama. Un jour, les épouses du prophète alayhi salam étaient réunies chez Umm Salama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait chez Aïcha. Et elles ont parlé de ce sujet, c'est-à-dire du fait que les compagnons attendaient et cherchaient le jour de Aïcha pour offrir leur cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالت إحداهن نحن نريد الخير كما تريده ابنة أبي قحافة. Une d'entre elles a dit, nous voulons tous le bien, tout comme la fille, tout comme Aïcha, radiallahu anha, le souhaite. Elles se sont donc dit, qui est-ce qui va aller parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit équitable entre nous en disant aux compagnons de cesser d'agir de la sorte. Na'am. Mais venir parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa bien-aimée n'était pas chose facile. Alors, chacune a dit à l'autre, c'est toi qui iras parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre a dit, c'est toi qui iras parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elles se sont mises d'accord pour envoyer celle qui avait une place toute particulière dans son cœur. À votre avis, qui est-ce? Na'am. Fatima, Bitta, Fatima, radiallahu anha. Ils ont donc envoyé sa bien-aimée, Fatima, radiallahu anha. Fatima, radiallahu anha, s'est donc rendue chez Aïcha, radiallahu anha, et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a fait plutôt cette remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Fatima? Parce que avant elle, Umm Salama, na'am, comme a dit le frère, à juste titre, Umm Salama a fait la remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'est détourné d'elle. Puis elle a réitéré sa demande. Il s'est détourné d'elle. Puis elle a réitéré sa demande à nouveau. Il s'est détourné d'elle. Puis lui a dit, la tu'dhini fi Aïcha. Il lui a dit, ne me nuis pas en me parlant de Aïcha. Alors elle s'est détournée, elle est repartie. Lorsqu'ils l'ont vu revenir, ils lui ont dit une expression qu'on pourrait traduire en français en disant « Tu es revenu bredouille. » Alors, nous allons choisir la mieux à même de remplir cette mission, autre que toi. Ils se sont mis d'accord pour désigner Fatima. Fatima, radiallahu anha, s'est rendue donc chez Aïcha, radiallahu anha. Et il lui a dit « Ya Rasulallah ». Elle lui a dit « Ô messager d'Allah ». Inna azwajaka yanshudnaka al-adl fi ibnati Abi Quhafa. Elle lui a dit, ô messager d'Allah, tes épouses te demandent l'équité vis-à-vis de la fille de Abu Bakr. Elle te demande d'être équitable. Et vous avez tous compris que être équitable, le prophète alayhi salatu wassalam, sans aucun doute est équitable. Mais c'est-à-dire de dire aux compagnons de cesser de lui offrir des cadeaux que lorsqu'il se trouve chez Aïcha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ey bunayyati, ô ma chère fille, alesti tuhibbina ma uhib. » Écoutez cette parole, Allahu Akbar. Elle, il lui a dit, « Ô ma chère fille. » Et dans bunayyati, il y a une marque, une grande marque d'affection. Il y a une grande marque d'affection qu'il adresse à sa fille, Fatima radiallahu anha. Et il lui dit, « N'aimes-tu pas ce que j'aime ?» « Oh ma fille, est-ce que tu n'aimes pas ce que j'aime ?» Elle lui a dit « Certes. » Il lui a dit « Alors aime-la celle-ci. » En montrant qui ?« Aïcha, radiallahu anha. » Puis elle est repartie, elle n'a pas osé ajouter. Lorsqu'ils ont vu le visage de Fatima à son retour, ils ont dit « Tu n'auras pas été d'une grande utilité dans cette affaire. » Il y a une traduction plus, yani qui colle plus, mais de crainte que ce terme soit trop familier, je préfère celle-ci. Hasil, elles lui ont dit, nous pensons que tu n'as pas atteint ton but dans cette affaire. Puis Zainab, radiallahu anha, a pris son courage à deux mains et s'est rendue chez Aïcha, radiallahu anha. Et voyez-vous, cette jeune fille, Aïcha, qui était la plus jeune, un ensemble de femmes pour discuter de son cas, et l'une après l'autre, elles revenaient sans avoir pu concrétiser leur but. C'est alors que Zainab, radiallahu anha, une autre parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab bintu Jahsh, est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha parle de Zainab et la décrit. Car leur jalousie qui a été mise dans le cœur de chaque femme ne l'empêchait pas d'être juste et d'être véridique dans ses propos. Donc elle nous dit que Zainab bintu Jahsh est celle qui a succédé à Fatima. Et elle nous dit, et c'est celle qui avait la plus grande place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit, c'est celle qui me faisait le plus de concurrence. C'est celle qui me faisait le plus de concurrence auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle nous dit, lam ara imra'atan qat fi din mithlaha. Je n'ai jamais vu une femme ayant une religiosité aussi droite que la sienne. Wala atqa lillah, ni plus pieuse qu'elle. Wala asdaqaha hadithan, et ni plus véridique qu'elle en matière de parole. Awsalaha lirrahim wa a'zama sadaqa. Je n'ai jamais vu une femme qui lie plus qu'elle les liens de parenté, plus pieuse qu'elle, et qui fait plus d'aumônes qu'elle. Dakhalat ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'elle est entrée chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire chez Aïcha. Puis elle lui a dit la même demande que ses épouses réclament et demandent, et l'ont envoyée afin que tu sois juste à leur égard concernant Aïcha. Et Aïcha se trouvait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalat Aïcha, thumma waqa'at bi. Aïcha radiallahu anha nous dit, puis elle s'est mise à parler de moi. Yani Zainab radiallahu anha est entrée chez Aïcha pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha se trouvait à ses côtés. Et Zainab a dit au prophète alayhi salatu wassalam, sois juste envers nous concernant Aïcha. Puis elle a développé son argumentation en parlant de Aïcha. Et Aïcha était à côté silencieuse. Elle était à côté silencieuse et elle entendait qu'on parlait d'elle. Puis elle nous dit, radiallahu anha wa ana arqubu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit, je surveillais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit, elle le surveillait du regard. Yani, elle connaît tellement bien son mari Quand un regard, elle sait, est-ce qu'il lui donne la permission? Hatta arudda alayha. Elle dit, j'attendais juste sa permission d'un regard afin de pouvoir réfuter Zaynab radiallahu anha et de pouvoir lui répondre. Falamma alimtu annahu la yakrahu intisari. Lorsque j'ai su de lui qu'il n'avait pas d'aversion dans le fait que je me défende, radattu alayha. À ce moment-là, je lui ai répondu. À ce moment-là, je lui ai répondu. Wama taraktuha. Elle dit, je ne lui ai rien laissé. Naam, je ne lui ai rien laissé. Hatta dhahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala innaha ibnatu Abi Quhafa. Aisha a tellement été forte dans la discussion au point de ne rien laisser à Zaynab radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri et a dit, c'est bel et bien la fille de Abu Bakr. C'est bel et bien la fille de Abu Bakr. Ça nous montre quoi, les frères? Pourquoi est-ce qu'on cite ce texte? Pour montrer la place de Aïcha auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la particularité qu'il lui accordait, à un point tel que ça s'est su dans les différentes maisons du prophète alayhi wa sallam et même chez les compagnons du prophète radiallahu anhum ajma'in. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر قصة جميلة أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة بالذهب. الإمام أحمد rapporte une histoire qu'un jour on offrit ou on offra au prophète صلى الله عليه وسلم un collier en or, un collier en or. Et il y avait ces femmes réunies dans une maison et il y avait Umayma, sa petite fille. Il y avait Umayma, sa petite fille, la fille de Zaynab, qui jouait. Kanat tal'ab. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ad'anna al-qiladata fi 'unuqi ahabb an-nas ilayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en prenant ce cadeau, je vais attacher ce collier autour du cou de la personne que j'aime le plus ici. Naam. Je vais accrocher ce collier autour du cou de la personne que j'aime le plus ici. فخافت عائشة أن تظفر بها غيرها. Aïcha a dit, j'ai eu peur qu'il attache ce collier au cou d'une autre que moi. Ça, c'est le ressenti de qui? De Aïcha radiallahu anha. Quant à ses co-épouses, قُلْنَا ذهبت بها ابن ابي ابنه ابي قحافه. Quant aux autres épouses, elles ont dit immédiatement, c'est bon, c'est Aïcha qui va partir avec le collier. Directement. Ça nous montre quoi? Que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam connaissaient la place de Aïcha radiallahu anha dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wasallam, qui est l'homme le plus juste qui ait marché sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فوضعها في رقبة أميمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé sa petite fille et il lui a mis le collier. Ainsi, il a éteint une source de une source qui aurait pu être une fitna. Sallallahu alayhi wa sallam. شاهدنا من الحديث ذهبت بها ابنة أبي قحافة. الشاهد dans le hadith, ce qui nous importe dans ce sujet, ou en quoi ce hadith étaye cette argumentation, c'est qu'elles ont toutes dit, afwan, elles ont toutes dit, c'est sûr, c'est Aïcha qui partira avec ce collier radiyallahu anhum. L'imam Muslim rahimahullahu ta'ala nous rapporte une histoire qui nous montre la place particulière qu'avait Aïcha. C'est qu'un jour de Eid, des gens jouaient dans le masjid min al-Habasha et le prophète alayhi salatu wassalam a appelé Aïcha. Car comme vous le savez tous, la chambre de Aïcha donnait sur le masjid. Il l'a appelé et il lui a dit, mets-toi derrière moi. Est-ce que tu veux les regarder jouer? Elle a dit oui. Puis elle nous dit, فَضَمَمْتُ خَدِّي عَلَى خِدِّي. Elle nous dit, j'ai collé ma joue à la sienne. J'ai collé ma joue à la sienne. Même ce genre de détails. Et que ça viendra plus tard, incha'Allah ta'ala, elle ne les oubliait pas. car elle également aimait le prophète alayhi salatu wassalam sans aucun doute d'un amour très sincère. Elle nous dit: j'ai collé ma joue à la sienne et je regardais. Puis il me dit: ashabi'ti ya Aïcha. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: est-ce que c'est bon ô Aïcha, yani tu as assez profité? Elle a dit là, elle a dit non. Puis plus tard, il lui a cité cela une deuxième fois: est-ce que tu es rassasié? Elle lui a dit non. Puis il lui a cité une troisième fois: qalat na'am. Elle a dit oui. Plus loin dans le hadith, elle nous dit: j'ai fait cela pour que tout le monde connaisse la place de cette petite fille que j'étais. J'ai fait cela pour que tout le monde connaisse la place de cette petite fille que j'étais. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour elle une considération toute particulière. أما محبة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، et ceci nous amène au quatrième point, qui est l'amour que portait Aïcha au prophète صلى الله عليه وسلم. تربت على أيدي خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل. Elle a été éduquée, comme vous le savez, entre les mains de la meilleure des créatures après les prophètes et messagers, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Elle naquit dans une famille pieuse, dans une famille chaste, alors que ce sont des gens qui ont connu une partie de la période anti-islamique, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Aïcha, malgré son jeune âge, était dévouée. Elle était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne laissait pas une chose qui pouvait entrer la joie dans le cœur du prophète alayhi sallam sans la mettre en pratique. Elle s'embellissait pour lui. Elle lui prononçait que de belles paroles et avait pour lui un profond respect. Elle ne l'appelait pas par son prénom malgré qu'il était son époux, mais elle lui disait ya Rasulallah. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit inni la a'lamu idha kunti anni radiya am ghadba. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: oh Aïcha, je sais lorsque tu es satisfaite de moi ou et lorsque tu es en colère. Elle lui a dit: comment est-ce que tu sais cela au messager d'Allah? Qalat mu min ayna ta'rifu dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wassalam lui a dit: amma idha kunti anni radiyatan fa innaki taquli la wa rabbi Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lorsque tu es content de moi et satisfaite de moi, tu dis, quand tu veux jurer, par le Seigneur de Muhammad. Wa idha kunti ghadba taqulin la wa rabbi Ibrahim. Alors que lorsque tu es en colère ou lorsque tu n'es pas satisfaite de moi, tu jures en disant par le Seigneur d'Ibrahim. Et elle a répondu: ya Rasulallah, innama atruku ismak faqat. Elle lui a dit avec la plus grande sagesse et douceur, elle lui a dit: ô messager d'Allah, mais je n'abandonne que ton prénom. Elle lui a dit: ô messager d'Allah, je ne fais qu'abandonner un instant ton prénom. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, mahjuru illa smak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour est entré chez elle, et il a vu qu'elle avait une chose à la main. Elle avait une chose à la main. Il lui a dit: qu'est-ce que cela? Elle lui a dit: c'est une bague que j'ai confectionnée afin de m'embellir pour toi. Aïcha radiallahu anha donne une leçon aux femmes envers leurs époux. Elle lui a dit, non seulement elle a fait, et en plus elle lui a dit, et c'est ainsi qu'il convient à la femme de s'embellir pour son mari et de chercher son agrément et d'exagérer dans cela au point de lui dire car il se peut que tu trouves une femme qui fait un effort, le mari ne remarque pas cela. Naam, alors elle le prend mal. Ici tu vois que Aïcha radiallahu anha n'hésite pas à faire la cause, naam, et à citer cela. Elle n'hésite pas à faire la cause et à citer cela, afin de se construire une place toute particulière dans le cœur de son époux. Et quel époux? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Aïcha radiallahu anha a cité une histoire qui s'est passée. Elle était assise avec un groupe de femmes. Et chacune, dans un long hadith, Chacune a cité des qualités ou des défauts du mari. Au final, l'élite de ses époux fut Abu Zar, avec un Zayd. Naam. Lorsqu'elle a raconté cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités et sa générosité, sa miséricorde, sa pitié, au final le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ana laki mithlu Abi Zar li Ummi Zar ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh Aïcha, je suis alors pour toi comme Abu Zar l'a été pour Ummi Zar, illa anni la utalliq. Si ce n'est que moi, je ne divorce pas. » Car à la fin du hadith, il l'a divorcé. Comme vous pouvez revenir dans Sahih al-Bukhari, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Car ça montrerait l'amour du prophète alayhi salatu wassalam pour elle. Et on est en train d'ici de démontrer son amour. Ah, son amour, le sien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, « Bal anta khayr min Abi Zar. » Elle lui a dit, « Non, tu es plutôt meilleur que Abu Zar. » Rayallahu anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de très nombreux hadiths, on voit qu'il y avait Aïcha en sa compagnie. Et Aïcha, comme on le verra plus tard, est la femme la plus savante, non seulement de cette communauté, mais de l'ensemble des femmes au monde. On sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana khuluquhu huwa al-Qur'an. Et parmi ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yaqumu al-layl waqtan tawilan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait le Qur'an. Et parmi ce qui lui a été commandé dans le Qur'an, et c'était obligatoire dans un temps déterminé, plus ceci a été abrogé, c'est qiyam al-layl, le fait de prier la nuit. Le fait de prier la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait tellement l'amour et l'affection que lui portait Aïcha que lorsqu'il se levait par moments, il se levait comme on se lève en cachette. Pourquoi? Car lorsque Aïcha se levait, la première chose qu'elle faisait, c'était quoi? Elle cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa main. Quelqu'un pourra se dire, mais pourquoi elle le cherchait avec sa main? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Il n'y avait pas de lumière à cette époque. Et elle nous dit, on aurait pu s'éclairer, mais nous n'avions pas d'huile. Non seulement il n'y avait pas de lumière à cette époque, mais celui qui voulait s'éclairer, il lui fallait avoir certains moyens. Et les familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très modestes. Elle nous dit, une nuit, istayqadhat. وَتَفَقَّدْتُ قَالَتْ تَفَقَّدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ أَجِدُهُ. Elle nous dit, une nuit je me suis réveillé. C'est alors que je me suis mis à chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec sa main. Et certains savants disent que à l'époque, ils ne dormaient pas avec leurs épouses sur une même couche, mais que c'était séparé. Elle nous dit, j'ai donc cherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne l'ai pas trouvé. Puis, en cherchant, ma main est tombée sur le plat de, ou bien la plante de ses pieds. Naam, sur la plante de ses pieds, il était prosterné et il faisait dua. En disant, Allahumma inni a'udhu bika bi ridak min sakhatik. Al-Hadith. Elle le cherchait. Naam. Et Aïcha avait une jalousie aussi particulière. Et comment est-ce que ça pourrait être différent alors que son époux est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Elle l'a cherché et sa main a touché la plante des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en sujoud, en train de faire dua. Wa shay'u bi shay' yudhka. Naam. Et ça, c'est le dalil de quoi dans la salat? Naam. C'est la preuve que lorsqu'on est en sujoud, on n'écarte pas ses pieds. Sa main a touché les deux plantes de pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'elle a touché la plante de son pied droit et de son pied gauche. De cela, les savants ont tiré que lorsque tu te prosternes, tu colles tes pieds. N'est-ce pas? Tu colles tes pieds sur la pointe de tes pieds Et si tu peux, tu mets tes doigts de pied en direction de la Qibla et tu les colles. Ainsi, elle a touché les pieds du prophète, la plante des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous montre que dès son réveil, elle cherchait le prophète alayhi as-salatu wa salam. Et une autre histoire qui nous montre que kanat tatawaddat ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle se faisait aimer, elle cultivait l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour elle, comme doit le faire la femme qui espère être la femme du paradis. لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا رجع إليها في نهاية الشهر بدأ بها. Un jour, suite à certains événements, le prophète صلى الله عليه وسلم s'est éloigné de l'ensemble de ses femmes durant un mois. نعم, il s'est éloigné de l'ensemble de ses femmes durant un mois. À la fin de cela, il a commencé par Aïcha. Lorsqu'il est venu la voir, au bout de... Yani, ça n'était pas le 30e jour, mais la veille, le 29. Il est venu et elle s'est étonnée. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il ne viendrait pas, si ce n'est un mois après. Faqalat, ya Rasulallah, lam yaktamil al-shahr. Elle lui a dit au message d'Allah, le mois n'a pas été complet. Et lui, il lui a montré que c'était un char naqis, parce qu'un mois lunaire se compose soit de 29 nuits, soit de 30. N'est-ce pas? Et il est venu le 29e jour ou bien la 29e nuit, car le mois avait été complété. Al-Shahid, c'est la suite. Qalat a'udduha adda. Elle a dit, je les ai comptés une par une. Naam. Elle a dit, je les ai comptés une par une. Imaginez un homme qui est en colère contre son épouse. Naam. Et il s'éloigne d'elle. Et elle lui dit quoi? Fais ce que tu veux, par exemple. Naam. Certains ont le sourire, peut-être qu'ils connaissent cette parole. Naam. Elle ne veut pas, en vrai, que tu fasses ce que tu veux. Mais sous la colère, naam, elle va chercher des paroles. Sans entrer dans la psychologie, elle va chercher des paroles qui vont attirer son attention. Son attention, na'am. Donc, fais ce que tu veux. S'il ne réagit pas, elle va chercher une autre parole, puis une autre parole, puis une autre parole. Regardons ici l'exemple qu'il faut suivre. Aïcha radiallahu anha a dit, je les ai comptés une par une. L'homme qui est en colère et qui entend cette parole, na'am, même s'il a un cœur, comment dirais-je? Presque de pierre. Car le croyant, il n'a pas un cœur de pierre. N'est-ce pas? Sans aucun doute, au minimum, ça va canaliser de sa colère et ça va diminuer de sa colère. Na'am. Aïcha radiallahu anha ici a utilisé cette sagesse et cette douceur qui fait que même l'homme en colère, yani se contient et se montre plus mada, a plus de mansuétude à son égard. Et sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché de cela. Parmi les particularités de Aïcha radiallahu anha, ghayratuha, sa jalousie. De nombreux hadiths nous montrent comment était-elle jalouse. Et comme l'ont dit les savants, huqqalaha antara. Les savants ont dit, elle est pleinement dans son droit dans cela. Pourquoi? Car son époux est le meilleur des prophètes et des messagers, le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Dhakar al-Dhahabi fi siyar, l'imam al-Dhahabi a cité dans siyara, rahimahullahu ta'ala, lamma tazawwaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam umma salama. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé umma salama, hazinat aishatu. Aïcha a été très attristée. Pourquoi? Elle a dit, parce qu'on m'a dit que c'était une femme très belle. On m'a parlé d'elle et on m'a dit que c'était une femme très belle. Alors ça l'a énormément attristée. Elle a dit, lorsque mon regard s'est posé sur elle, j'ai été anéanti. Pourquoi? Parce que j'ai vu encore pire que ce qu'on m'avait dit. Naam, parce qu'elle est encore plus belle que ce qu'on m'avait décrit. Fadhahabtu ila Hafsa. Elle est partie voir sa copine. Qui était sa copine parmi les femmes du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Hafsa. Naam, Hafsa c'était son amie intime. Fadhahabtu ila Hafsa wa dhakartu laha dhalik. Elle est partie pour, yani, vider un peu son cœur auprès de son amie Hafsa radiallahu anha. Faqalat laha Hafsa la, innama hiya al-ghayra. Elle lui a dit, tu es à côté de la plaque. Ça n'est que la jalousie qui parle. Yani, ton regard a été trompé tellement tu es jalouse que tu l'as vue encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Aisha radiallahu anha nous dit, ma hiya, yani, illa ayyam wa ra'aytu kama qalat. Elle a dit, lorsque le temps est passé, j'ai vu que ce que Hafsa m'avait dit était la vérité. Yani, j'avais exagéré. Lorsque je l'avais vu tellement que j'étais jalouse, j'ai exagéré dans sa considération, dans la considération de sa beauté. Ça, ça nous montre quoi? La jalousie qu'avait Aïcha, radiallahu anha. Elle ne voulait pas qu'une femme l'égale dans la place qu'elle avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas, et très loin de nous cette mauvaise opinion, non pas qu'elle pouvait se tenir debout devant un texte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Mais c'est la place qu'elle avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle ne voulait pas qu'on lui dispute. Qalat fi Juwayriya, une des épouses du prophète alayhi wa sallam, se nomme, comme vous le savez, Juwayriya. Qalat lamma ja'at tasta'inu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi kitabatiha ay jam'il mal lil 'itq. Elle nous dit, lorsque Juwayriya est venue demander de l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour racheter sa liberté, na'am, وكانت امرأة جميلة وكانت امرأة جميلة. Et Juwayriya était une femme qui avait une beauté toute particulière. Aïcha nous dit, فَوَاللَّهِ مَا إِنْ رَأَيْتُهَا كَرِهْتُهَا. Elle nous dit, wallahi, dès que je l'ai vue, je l'ai détestée. Elle nous dit, wallahi, dès que je l'ai vue, je l'ai détestée. وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنْ يَرَاهَا يَتَزَوَّجَهَا. Elle a dit, et j'ai su, lorsque je l'ai vue, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam la voit, il l'épousera. فَكَانَتْ. Et ça s'est passé de, yani, ainsi. Et cela s'est déroulé de la sorte. Une autre histoire qui nous montre l'amour de Aïcha pour le prophète alayhi wa sallam, sa jalousie à son égard, c'est qu'un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Hiya taqul kharaja nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laylan faghirtu fa kharajtu. Elle nous dit, un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Alors j'ai été jalouse. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé qu'il partait chez une autre de ses épouses. فَخَرَجْتُ لِيَنْظُرَ مَاذَا يَصْنَعُ. Elle dit, je suis sorti pour voir ce qu'il allait faire. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا عَائِشَ مَالَكْ. Il lui a dit, عَائِشَ, que t'arrive-t-il? أَغِرْتِ. Il lui a dit, est-ce que tu es jalouse? فَقَالَتْ وَمَا لِي لَا أَغَارُ عَلَى مِثْلِكْ. Elle lui a dit, comment pourrais-je ne pas être jalouse d'un homme comme toi? Yani, les savants ont dit qu'Aïcha, Muawiyah radiallahu anhu, pas que les savants, Muawiyah a dit, ma sami'tu ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam afsaha min Aïcha. Naam, Muawiyah radiallahu anhu a dit, je n'ai pas vu plus éloquent après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Aïcha. Et lorsqu'on lit ces hadiths, on voit l'éloquence qu'elle avait. Na'am. Et comment est-ce qu'elle arrivait à se frayer un chemin dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans des situations où n'importe quel homme se serait mis en colère. L'homme sort de chez lui, la femme le suit. Na'am. Il se retourne, il voit son épouse. Na'am. Quel comportement l'un d'entre nous aurait? Et est-ce que l'une, il y a une femme ici, oserait même sortir de ce qu'elle connaît de son mari? Aïcha connaissait de son mari le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Elle lui a répondu, et comment pourrais-je ne pas être jaloux d'un homme comme toi. C'est-à-dire un homme aussi parfait que toi. Un homme au comportement aussi parfait que le tien. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد جاء شيطانك؟ Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit est-ce que ton شيطان est venu? قالت له عائشة قالت له عائشة ولي شيطان. عائشة s'est étonnée, elle lui a dit moi j'ai un شيطان. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit نعم. قالت ومع كل إنسان. Et عائشة a dit chaque personne a un شيطان auprès de lui. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit نعم. Elle lui a dit ومعك شيطان. Naam. Et Aïcha lui a dit, alors même toi t'as un shaitan? Le prophète a dit naam. Il lui a dit, oui, même moi j'ai un shaitan. Illa anna Allah subhanahu wa ta'ala a'anani fa aslam. Puis il lui a dit, si ce n'est qu'Allah m'a aidé fa aslam. Que signifie dans ce hadith fa aslam? Indaman. Que signifie dans ce hadith fa aslam? Il s'est soumis. Comme vous ne levez pas la main, je ne sais pas qui parle. Afwan, je m'excuse. Il s'est soumis. Allahu alam, ça peut être qu'une bonne réponse. Tafadhal. Aslamu min sharri. Allahumma barik. Naam. Il s'est converti à l'islam. C'est ce qu'a dit le frère. Il l'a dominé. Il l'a dominé. Il lui ordonne que le bien. Il lui ordonne que le bien. Comme a dit Cheikh et le frère, ces deux paroles sont des paroles qui ont été renforcées par les ulama. Fa aslam, yani soit il s'est converti, ou fa aslam ana. Fa aslam ana min sharbi. Soit fa aslam et dakhala fil islam, il est entré en islam. Soit aslam, ay aslamu ana min sharri. C'est-à-dire que je suis, moi, à l'abri de son mal. Allah m'a aidé, m'a préservé et a repoussé son mal de moi auprès, au point où aslam. Et l'autre explication est de dire, Allah m'a aidé, fa aslam, au point où ce shaytan, na'am, car comme vous le savez, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Les djinns et les hommes ont été créés pour adorer Allah Azza wa Jal. Parmi eux, il y a des musulmans, parmi eux, il y a des non-musulmans. Donc Aïcha, lorsqu'elle lui a dit cela, elle lui a répondu avec cette douceur et avec cette sagesse. Qala na'am. Qalat wa ma'a kulli insan. Qala na'am. Qala wa ma'a ka shaytan. Qala na'am. Qala na'am walakin rabbi a'anani fa aslam. Rawahu muslim. Aïcha radiallahu anha, pour finir ce... pour passer au sujet suivant, nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, je vais vous raconter une histoire qui me concerne moi, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'elle était dans sa nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ses affaires sur le bord, comme on dirait nous, le bord du lit. Non, pour pouvoir avoir accès à cela très rapidement lorsque tu veux repartir. Et lorsqu'il a cru que je dormais, il s'est levé doucement, il s'est habillé doucement et il est sorti doucement. Comme on dirait nous, non, en cachette. Comme on dirait en parlant de nous, en cachette. Puis il est sorti. Elle a dit, je me suis levé. Je me suis habillé, j'ai mis mon khimar et je suis parti à sa trace. Et je suis parti à sa trace. Et c'était durant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé jusqu'à atteindre le Baqi'a, le cimetière de Médine. Puis il a fait ad-du'a très longuement, atal al-qiyam. Il est resté longuement au Baqi'a. Et il a levé ses mains à trois reprises. Il faisait du'a pour les gens du Baqi'a. Radiallahu anhum. Puis elle nous dit fanharafa fanharaftu fa asra'a fa asra'tu fa harwala fa harwaltu. Puis elle nous dit, il s'est tourné, moi aussi je me suis tourné, pour revenir sur mes pas. Il a avancé, moi aussi j'ai avancé. Il a accéléré, moi aussi j'ai accéléré. Il a couru, moi aussi j'ai couru. Vers où? Vers chez elle. Puis dès qu'elle est rentrée chez elle, elle s'est allongée comme si elle dormait. Na'am? Radiallahu anha. Fasabaktuhu. Elle dit, je suis arrivée avant lui. Elle dit, je suis arrivée avant lui. Dès qu'elle s'est allongée, elle nous dit, il est entré. Ah là, et il a entendu son souffle. Lorsque quelqu'un court, na'am, lorsque quelqu'un dort, il n'est pas essoufflé. Donc lorsqu'il a entendu son yani nafasaha, il lui a dit ya Aisha. Il lui a dit oh Aisha. Elle a dit na'am, comme si elle venait de se réveiller. Il lui a dit, que t'arrive-t-il? Qalat la shay. Elle lui a dit rien. Na'am, il lui a dit, que t'arrive-t-il? Elle a dit la shay. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, soit tu me dis, soit je vais te faire. Soit tu me dis, soit je vais dire à ton père. Soit tu me dis, soit je t'enlèverai tel droit. Soit, non. Dhakkaraha billah. Wa allamaha muraqabat Allah. Na'am, contrairement à ceux qui menacent, pour juste après ne pas tenir leur menace. Na'am. Et il lui a dit, la tukhbiranni. Allahu Akbar. Et ça nous fait penser au wasaya de Luqman pour son fils. Et il lui a dit, la tukhbirini ou la yukhbirannani al-latif al-khabir. Regardez la place de la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jalla, des attributs, dans la véracité, dans la droiture, dans l'éducation. Il lui a dit, soit tu m'informes de toi-même, soit celui qui est parfaitement informé m'en informera. Al-Latif ou Al-Alim ou Bidaqa'iq al-Umur. Parmi les sens de Al-Latif, celui qui est savant des choses subtiles. Al-Khabir, c'est celui qui est parfaitement informé. Parmi ses sens. Donc il lui a rappelé ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il lui a dit, puis elle nous dit, fa'akhbartuhu. Alors je lui ai raconté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fa'anti sawadu alladhi ra'aytuhu. Et il lui a dit, tu es donc la lueur ou bien la madha, l'ombre. Tu es donc l'ombre que j'ai aperçue ou la noirceur que j'ai aperçue dans le noir. Elle lui a dit, elle lui a dit, on peut cacher tout ce qu'on veut, mais Allah le sait. On peut cacher tout ce qu'on veut, mais Allah le sait. Ça, c'est l'effet de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais levé la main sur une femme, ni une de ses épouses, ni une autre. Naam. Il n'élevait même pas la voix. Mais de par cette éducation, 9 maisons, 11 et 9 au moment de décéder, 9 foyers, et tu n'entends pas ce que tu entends de nos jours dans les foyers de ceux qui ont un seul foyer. Subhanallah. Na'am. Et l'homme tend à jeter l'opprobre sur qui? Sur la femme. Na'am. Mais si on regarde l'éducation du prophète sallam qu'il a donné à Aïcha, aux épouses, et on regarde celle que donne de nos jours, En rattachant cette femme à la dunya, si elle fait telle chose, je lui achète telle chose, je lui offre telle chose, je l'emmène dans tel endroit. Ceux qui sont au niveau en dessous, je lui donne tout simplement ses droits. Et si elle se comporte mal, je lui enlève ses droits. Comme si les droits étaient l'œuvre de la créature. Les droits, c'est Allah qui les donne. C'est pas à la wajil muqabala. Tu me donnes, je te donne. Tu es gentil, je suis gentil. Non. Toi, tu es bien parce qu'Allah te l'ordonne. Tu es bien parce que tu veux être khayrun nas. Khayrun nas d'ahl. Parce que tu veux être le meilleur chez Allah. Et le meilleur, c'est le meilleur avec son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éduqué de la sorte. Puis, il lui a expliqué. Il lui a dit, et année avant cela, il l'a attrapé. Au point, elle a dit, j'ai senti la froideur de sa main. Il lui a dit, Jibril m'est venu. Et m'a informé qu'Allah m'ordonne de me rendre au Baqi' et d'invoquer en leur faveur. Elle a dit, Subhanallah, ya Rasulallah. Anta fi wad wa ana fi wadi. Elle lui a dit, Subhanallah ya Rasulallah. Toi, je suis dans une affaire et moi, ma tête était dans toute autre chose. Naam. Et on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique la cause. Il n'a pas dit, moi je suis l'homme, je fais ce que je veux. Moi je suis l'homme, je dis ce que je veux. Moi je suis l'homme, je n'ai pas de compte à rendre. Non. Mais il fait la cause pour que dans le foyer, naam, il n'y ait pas d'inimitié, pour que dans le foyer, il n'y ait pas yani, de poitrine resserrée, mais qu'il y ait plutôt al-mawadda ou al-mahabba ou al-tahab ou al-ihtiram, mais plutôt qu'il y ait quoi? La madha, un bon climat, la miséricorde, la mansuétude, de l'amour et tout ce qu'on doit trouver dans Buyut al-Muslimin. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Un hadith connu de tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez Aïcha. Une autre de ses épouses lui a fait parvenir un plat avec de la nourriture dedans. Et il avait chez lui des invités. Aïcha a dit, qu'est-ce que cela? Et celui qui a apporté le plat a dit, c'est un plat qu'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel parmi ses épouses. Elle a pris le plat et elle a gardé le plat dans ses mains. Puis elle n'a pas pu patienter sur cela. Et elle dit, vous faites à manger pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est chez moi. Et elle a cassé le plat par terre. Allahu Akbar. Elle a laissé tomber le plat par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et il a su que ceci était le fruit de sa jalousie. Et il lui a dit, sahfa bi sahfa wa ta'amun bi ta'am. Et il lui a dit, tu as cassé son plat, tu lui dois un plat. Et tu as fait cela avec sa nourriture, tu lui dois de la nourriture. Et il n'y a pas eu de fitna. Il n'y a pas eu 5 divorces dans la même assise. Naam. Il n'y a pas eu de menaces. Il n'y a pas eu de divorce pendant les menstrues. Ni après avoir consommé dans ce mois. Talak bid'i. Non. Il est retourné auprès de ses compagnons. Lui-même de ses nobles mains a pris de la nourriture. Il est venu auprès d'eux et a dit Ra'alat ummukum. Votre mère a été touchée de jalousie. Et l'histoire s'est arrêtée de la sorte. Allah al-Musta'an. Il y a de nombreux textes qui montrent cela, mais pour ne pas être trop long, on passe à la suite. Et on voit la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa bienveillance à l'égard de Aïcha. Alors qu'elle était dans un voyage, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'apprêtait à voyager, il faisait le Qur'an. C'est pas comme ce qu'on dit en français. C'est le deuxième mot qui me gêne. Ma'adha, ala kulli hal, pour choisir certaines de ses épouses sans qu'une soit touchée de son choix. Donc ce jour-là, c'est Aïcha et Hafsa qui ont voyagé avec lui. Et Aïcha avait sa monture à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hafsa était plus loin. Hafsa regardait Aïcha de loin tout le chemin, discutait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a voulu avoir sa place. Lors de la pause, de la halte, elle lui a dit, oh Aïcha, que penses-tu si je te prête mon chameau et tu me prêtes le tien? Comme ça tu vas essayer mon chameau et tu vas voir comment yani il est. Et moi je vais essayer le tien et je vais voir comment il est. Naam. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et au moment de repartir, elle est montée sur le chameau, elle a avancé et elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa en train de discuter. Et elle a compris le stratège de la femme. Naam, radiallahu anhum. Alors elle a fait du'a. Elle a fait du'a contre elle. Naam, elle a fait doua contre elle. Pour elle, c'était une calamité, c'était un malheur d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam loin d'elle. Et il parle en plus de cela avec une autre parmi ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la cinquantaine passée. Malgré ça, dans un voyage, il dit à ses compagnons, taqaddam, avancez. Alors ils se sont avancés. Puis il a dit, Aïcha ta'alay usabiqouk. Et il lui a dit, viens Aïcha, faisons la course. Elle lui a dit, ya Rasulallah, comment est-ce que je pourrais faire la course avec toi? Il lui a dit, viens, faisons la course. Ils ont fait la course et Aïcha l'a dépassée. Plus tard, dans un autre voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon, avancez. Et Aïcha, probablement, elle avait oublié cette chose-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manque pas une occasion de faire entrer la joie dans le cœur de Aïcha. Et il lui a dit, viens, faisons la course. Elle dit, il m'a dit ça à un moment où j'avais pris plus d'âge et plus de poids. Naam, plus d'âge et plus de poids. Naam. Alors nous avons fait la course et il m'a dépassé. Naam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la tranquilliser, naam, et ne rien laisser dans son cœur, il lui a dit hadi bitik. Il lui a dit yani, nous sommes quittes. Naam. Il lui a dit nous sommes quittes. Il lui a rappelé la fois où elle l'avait devancé. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec Aïcha. Et Aïcha élevait quelque peu la voix et elle débattait. Naam. Comme dans le hadith de Omar, lorsqu'il a demandé à Hafsa, est-ce vrai que vous débattez avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que qui oserait débattre avec Omar radiallahu anhu? Et Hafsa a dit oui, l'une d'entre nous débat avec lui au point où il se tait par la suite. Allahu Akbar. Yani la femme parle, et c'est le prophète sallam qui se tait. Il lui a dit, malheur à vous, ennemi de vous-même. Malheur à vous, ennemi de vous-même. Puis Abu Bakr est passé, un autre hadith est passé devant chez Aïcha. Il a entendu Aïcha en train de parler au prophète. Il est entré et il a voulu la corriger. Et il lui a dit, t'oses parler ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le père, la fille, qu'est-ce qui s'est mis au milieu? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis au milieu et il se mettait devant Abu Bakr. Naam. Puis Abu Bakr est sorti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Aïcha et lui a dit, n'as-tu pas vu comment je t'ai défendu? Puis Abu Bakr, en partant, il les a entendus rire. Yani, je suis venu, moi, parce que il y avait un problème. Pour régler le problème, parce que ma fille a élevé sa voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je repars et je les entends rire. Il est revenu et il les a trouvés en train de rire. Et lui, il a dit, vous m'avez fait entrer dans la guerre, maintenant faites-moi entrer dans la paix. Naam. Faites-moi entrer dans la paix, tout comme vous m'aviez fait entrer dans la guerre. Et tu vois ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam défend Aïcha devant son père. Il défend Aïcha radiallahu anha devant son père. Et vous connaissez tous la cause de la révélation de Ayatul Tayammum. Lors d'un voyage, Aïcha a perdu un collier qu'on lui avait prêté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de chercher ce collier. Lors de la prière, allait sortir et il n'y avait pas d'eau pour faire el wudu. Alors les gens commençaient à se plaindre de Aïcha à Abu Bakr. Ne vois-tu pas notre état? On n'a pas d'eau, on ne peut pas faire salat. 1, 2, 3. Abu Bakr, yani, a eu quelque chose dans le cœur contre eux. Aïcha. Il est parti la trouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait sur elle. Et Abu Bakr est venu et a blâmé sévèrement sa fille. Et il l'a pointé du doigt sur elle comme ça. Il l'a pointé du doigt. Elle a dit, rien ne m'a empêché de bouger si ce n'est la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que s'est-il passé? Car Aïcha, c'est une grande baraka pour cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ayatul tayammum. Allah azza wa jalla a révélé le verset de tayammum. Et c'est pour ça qu'un parmi eux a dit, ô combien tu es béni pour cette communauté, toi la famille de Abu Bakr. Yani, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose à Aïcha, Allah subhanahu wa ta'ala facilitait un faraj, un secours. Et Aïcha, lorsqu'elle se lavait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec elle. Parmi les particularités de Aïcha, sa grande science, les savants disent qu'il n'y a pas de divergence sur le fait qu'elle soit la femme la plus savante. Son mousnad a dépassé les 2020 ahadith, ou 2000 ahadith, 2000 ou 2020 ahadith. Elle fait partie de l'mukthirin. Naam. Elle fait partie des compagnons qui ont rapporté le plus de ahadith. Elle a étudié la science depuis son plus jeune âge. Elle a été éduquée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Moussa nous dit, lorsqu'on avait une difficulté dans une question religieuse, on revenait à Aïcha. Masruq, rahimahullahu ta'ala, nous dit que lorsque les compagnons avaient des difficultés dans la science de l'héritage, ils demandaient à Aïcha. Ata ibn Abi Rabih, rahimahullahu ta'ala, nous dit que Aïcha était la personne la plus éloquente et la plus savante. Et on prenait d'elle le conseil, la veda, la science dans la langue arabe, dans la poésie et même dans la médecine. Urwa, son neveu, lui a demandé, « Oh ma tante, oh chère mère, comment se fait-il que tu as de la science ?» Yani, je comprends que tu aies de la science dans tel domaine, mais dans la médecine. Elle lui a dit, car lorsque les délégations venaient à Médine et que j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maladie de mort, je demandais aux gens de tout horizon, est-ce yani, qu'ils m'enseignent de la médecine et est-ce qu'il y a un remède pour l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a acquis un grand niveau dans la médecine. Et on voit aussi ici comment Aïcha était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle faisait tout. Elle faisait tout pour avoir son agrément, afin d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la meilleure des maisons. Et pourtant, on lui dit, elle nous dit qu'il se passait un mois, voire deux, sans qu'on allume le feu dans la cheminée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors son neveu lui dit, « Oh ma mère, mais alors de quoi est-ce que vous vous nourrissiez ?» Elle répond Abil Aswadein. Elle lui dit de l'eau et des dattes. De l'eau et des dattes. Naam. Et de là, tu comprends que la dunya n'est pas un gage de piété ou de place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car si cela avait été le cas, Allah tabaraka wa ta'ala aurait élevé Aïcha radiallahu anha. Elle était très généreuse et elle était très pieuse. Lorsqu'on lui donnait, elle redonnait immédiatement. Un jour, elle était en état de jeûne. Une personne pieuse, pauvre, a demandé. Elle a dit à la servante, donne-lui. Donne-lui ce qu'il y a dans la maison. Arrivée au Maghrib, elle n'avait rien pour couper son jeûne. Alors la servante lui a dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas gardé une part de ce que tu as donné aux pauvres? Elle lui a dit, si tu m'avais fait penser, j'aurais pensé. Elle faisait devancer les pauvres, les orphelins. Elle a franchi énormément de monde. Elle a franchi énormément de monde. Puis une personne a frappé et a fait une sadaqa. Elle a donné, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné par la suite. Urwa nous dit qu'un jour je suis venu la visiter. Je l'ai trouvée en prière. Alors j'ai attendu, puis je suis parti au marché. Lorsque je suis revenu, elle est encore en prière, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est en larmes, en disant Famanallahu alayna wa qana adhab as-samum. Elle reste un verset de surat al-Tur. Elle était debout et elle pleurait. Il est venu, il a attendu, puis il est parti au marché, puis il est revenu. Elle est encore dans sa station, en train d'adorer Allah Azza wa Jal et de pleurer par crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Elle immensifiait le hijab. Aïcha radiallahu anha immensifiait le hijab. Et dans l'histoire de l'Ifk, lorsqu'on a menti sur elle et que Safwan est arrivé, il ne lui a pas parlé. Elle ne lui a pas parlé. Il a juste dit Al-Istirja, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et répétez cela jusqu'à ce qu'elle se réveille. Elle nous dit, dès que je me suis réveillé, khammartu wajhi, je me suis couverte. Le premier réflexe, c'est pas je suis perdu, comment vais-je faire? Le premier réflexe, khammartu nafsi. Elle s'est couverte. Et ça montre la place du hijab en islam. Et que la femme doit immensifier le hijab. La femme doit se préserver de par le hijab. La femme doit accorder une attention particulière à ce vêtement, le vêtement de la piété. C'est celle qui a témoigné du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadithatul ifk, du fait que c'est un peu long, Allah azza wa jalla nous facilite une autre assise. Lors de la maladie de mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses épouses la permission de ne plus passer d'une épouse à une autre chaque nuit, mais d'être soignées chez Aïcha. Elles ont accepté. Il est resté auprès d'elles et elles s'occupaient de lui de la meilleure façon. Puis, il ne pouvait plus sortir pour aller au masjid. Et jusqu'au jour où Allah azza wa jalla a décrété le fait de reprendre son messager, son prophète, pour l'élever au plus haut degré. Son frère, le frère de Aïcha, est entré, il avait un siwak. Et il utilisait, il se frottait les dents avec un siwak. Elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait le siwak. Elle a regardé le siwak, elle a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a su qu'il voulait cela. Allahu Akbar. En regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle savait ce qu'il voulait. Il n'avait même pas besoin de parler ou de demander, elle faisait d'elle-même. Et ça, c'est l'excellence. Ça, c'est l'excellence dans la considération de l'épouse envers son mari. Elle lui a dit, est-ce que tu veux le siwak? Et il lui a fait un geste pour lui dire, oui, il ne pouvait plus parler, sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle a pris le siwak et elle dit layyantuhu lah. Elle dit je l'ai ramolli pour lui. Subhanallah, je l'ai ramolli pour lui. Puis elle lui a donné pour qu'il utilise le siwak. Naam. Par la suite, donc elle était assise et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était appuyé sur elle. Elle dit que sa main a commencé à bouger ou à se faire lourde. Naam. Sa main a commencé à bouger, à se faire lourde et il l'a levée. Puis il a dit fi rafiq al a'la Allahumma ighfir warham wa alhiqni bir rafiq al a'la. Puis il a dit oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde après avoir vécu une vie remplie d'adoration, remplie de péché, remplie d'adoration et remplie de bonnes actions et exempt de péché. Il finit sa vie avec al-istighfar. Que dira alors de nous? Il finit sa vie avec al-istighfar. Et il demande à Allah Azza wa Jalla de l'élever à la meilleure des compagnies. Puis sa main est tombée de la sorte. Elle a dit fa'alimtu annahu la yakhtaruna. Elle a dit à ce moment-là, j'ai su qu'il n'allait pas nous choisir. Car un prophète, avant de décéder, on lui donne un choix. Elle a donc dit, j'ai su qu'il n'allait pas nous choisir. Et il est décédé sur Aïcha. Allah Azza wa Jalla l'a honoré. Il n'est pas mort durant une bataille. Il n'est pas mort en expédition. Il n'est pas mort en voyage. Il est décédé auprès de cette femme. Auprès de cette femme, Aïcha radiallahu anha. Et elle s'est montrée endurante et patiente. Allah l'a raffermi. Tout comme il a raffermi son père par la suite, Abu Bakr. Naam. Et il fut le premier calife de l'islam. Voici qui était Aïcha. C'est notre mère, Ummul Mu'minin, alors qu'elle n'a pas enfanté. C'est notre mère dans la considération. C'est notre mère car on n'a pas le droit de l'épouser. C'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Aimer Aïcha fait partie du iman. Et détester Aïcha fait partie du nifaq, fait partie de l'hypocrisie. Et tu ne trouveras jamais une personne qui dit du mal de Aïcha, si ce n'est une personne qui a perdu l'iman. Si ce n'est une personne dont la croyance a été entachée par les pires des perversions. Iyadan billah. Faradiyallahu an Aïcha. وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين